chez nous. Émigrer d'un premier jour, paumé dans cette ville, parce que la rage te hante partout. Voyou emporté par la foule. Chagrin te retient. La fille elle brandit son poing, et toi encore brandis le tien. Voyou pendu à son cou, tu ne viens plus d'un pays rouge.